Ok. Tu sais, j'ai le cadeau qui va avec le test que je passe. Hein. Vous autres, vous aimeriez pas vivre ma vie, mais moi, j'aimerais pas vivre la vôtre non plus, là. On s'entend, là. C'est métro, boulot, dodo, là, c'est pas mon style, ben.